3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Nous revoilà! Et oui, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Tiens, tiens donc, on n'est pas lundi. Et oui, lundi, c'était Pâques. On a été à la chasse aux œufs, on a été chercher des chocolats dans les jardins, on a essayé de trouver des lapins, des cloches, tout ça. Seb, ça va bien? Tu t'es régalé? Ouais, je me suis régalé sur certains aspects et moins sur d'autres, quoi. Disons que l'aspect nixologique... m'a laissé un goût amer de... Heureusement qu'il y avait le chocolat pour atténuer tout ça. Voilà, un chocolat au goût amer. On va voir, on va discuter de tout ça. Vous le savez, il y a encore beaucoup de choses à se dire. C'est pas parce qu'on est mercredi qu'on va pas revenir sur la rétrospective de la semaine passée et du tout dernier match de cette semaine. Et puis essayer de se projeter un petit peu. Il y a beaucoup de sujets, on perd pas plus de temps. On lance le petit jingle pour lancer l'épisode 84. C'est parti les amis. Ah là là, malheureusement, on démarre l'émission pas avec une super nouvelle. Vous savez, on récompense, on félicite, on honore, on fête les anniversaires des différents Knickerbockers. Malheureusement, la semaine dernière, on a appris une triste nouvelle avec l'annonce de la disparition de Yann Dallon, un artiste qu'on avait pu... on va dire côtoyé par œuvre interposée. Il avait collaboré notamment sur le MOOC de chez Rivers, hein, les copains de Rivers, qui avait fait le spécial New York, avec une réédition également. Yann Dallon, un artiste français qui nous a quittés trop tôt, mais qui nous laissera tout de même ses œuvres à jamais en héritage, c'est le terme. Une annonce et une disparition choquante parce qu'effectivement il était jeune et c'est voilà malheureusement la vie qui fait que un accident de la vie, un accident de santé et il nous a quittés. Donc voilà, c'est avec un peu d'émotion qu'on démarre cette émission, pardon, mais on souhaitait tout de même lui rendre un dernier hommage et puis voilà, continuer de porter ses œuvres avec nous. Le basket, c'est qu'un jeu. La vie, ça va au-delà. Et malheureusement, on n'est que de passage sur cette petite planète. Voilà. Bon, sans transition aucune, et j'espère qu'on ne va pas continuer de démarrer nos émissions avec des mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle sur la planète Orange and Blue. Ça y est, les records sont tombés. Les records, oui, de quels records on parle? Enfin, pas tous les records. Un record était attendu, un record à 3 points. On s'en doutait, ça allait se faire au regard du volume et du côté gourmand de notre ami Dante DiVincenzo. Oui, il a effacé du livre des records Evan Fournier. Maintenant, c'est Dante DiVincenzo qui détiendra le record du plus grand nombre de paniers à 3 points réussis en une saison. Alors après, en termes de pourcentage, il faudrait qu'on regarde si Evan avait un meilleur ratio sur sa saison ou si c'est Dante. Parce que Dante, des fois, on le voit prendre plus d'une dizaine de shoots à 3 points par soir sans en rentrer la moitié. Hein, il est, je ne sais pas combien il tourne actuellement. Mais voilà, en tout cas, cette NBA moderne lui sourit. Ce rôle de starter et puis les responsabilités avec plus de tickets shoot en l'absence de tous les blessés qu'on connaît lui ont mis un petit peu plus de... cartouche dans le chargeur et l'ami Dante, bah ça y est, il a passé ce record. Il reste encore quelques matchs à jouer en saison régulière, donc il va le pousser un petit peu plus loin ce record. On s'attendait à ce qu'il tombe. Il n'est pas tombé le soir de la rencontre face aux Detroit Pistons contre Evan Fournier. Ça aurait été un drôle de clin d'œil, mais il en a quand même fait tomber un. Et celui qu'il a fait tomber, c'est celui du plus grand nombre de 3 points sur un match, 11 paniers à 3 points. Bon, il y avait un petit bout de pied qui était soi-disant sur la ligne. On n'était pas loin du 12 panier à 3 points par soir. Il efface ainsi le record qui était poussé à 10, qui avait été propriété de J.R. Smith et d'Evan Fournier. Donc voilà, ça s'est fait pendant le match face aux Detroit Pistons. Et puis peu de temps après, on a eu un certain Miles McBride, qui s'est aussi illustré derrière l'arc avec 9 paniers à 3 points. Pareil, en bonne compagnie dans les meilleurs snipers all-time des Knicks sur un match. Voilà, Seb. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de paniers à 3 points ou pas? Non, mais si tu veux la stat, ils sont quasiment équivalents. Tu es sur du 39%. 39%? Ouais, 39%. Disons que tu es quasiment à 40. Tu es à 0, tu es à 39,8 pour Dante. Et t'étais à 38,7 ou 38,8 Pour Evan. pour Après, Evan. Donc c'est juste une question de volume. Finalement, il en prend plus. Il en réussit avec le même pourcentage. Donc, il en a tout simplement un petit peu plus. Donc, tu voilà. voilà, donc tu étais tout toi, t'es sur les mêmes pourcentages. Bah, il en prend 8 environ par match, notre pépère là, Gourmand, gourmand. Dante. Et Evan, il en prenait, je vais te dire ça tout de suite, il en 7 et prenait demi. 7,7. Impré. Bon, ces derniers temps, on a quand même senti que Dante, il chassait le record, Ouais. il voulait en prendre plus. C'est Ah bien ouais. que ça soit tombé, ça permet de peut-être rééquilibrer le jeu, de le retrouver un peu plus sur le côté slasher. Mais voilà, c'est un record de tomber. C'est Non, c'est aussi bien, c'est bien, une c'est belle bien. saison de la part de cette recrue de l'intersaison dernière. Un Nova Boy qui réussit, McBride qui s'est trouvé aussi un shoot à 3 points de plus en plus intéressant. Voilà, on avait besoin de shooters à 3 points pour entourer les Randle, les Jalen Brunson. Bon, bah c'est fait en tout cas, c'est fait. Ouais, voilà, bah, écoute, c'est bien, je pense que la cote, malgré, tu vois, le record qu'avait pu établir Evan, je suis pas sûr qu'il y avait une cote d'amour et de sympathie autant élevée que peut avoir Dante cette année avec ces Knicks là. Donc j'ai l'impression quand même que pour une grosse part de la fanbase, les gens entre guillemets, j'ai l'impression qu'ils sont un peu soulagés que y a un autre nom qu'Evan Fournier dans les livres d'histoire des New York Knicks, tu vois. Il restera bien placé, hein, Evan, Oui, il mais restera, ben voilà, c'est il n'est bon, plus détenteur du record, quoi. mais voilà, donc ben, ça veut tout dire en fait, hein. Tu sais que les records tombent comme ça d'une saison à l'autre, ça veut bien dire que la ligne, enfin voilà, les tirs s'éloignent, hein, au fur et à mesure, et que désormais quand tu vois que tu en viens des fois à des matchs où les mecs prennent 12, 15, 15 tirs, 16 tirs à 3 points, c'est monstrueux quoi. Donc, C'est mais après c'est l'évolution du normal, jeu. ce sont les tirs à haut pourcentage quoi. Donc Ah, il vaut haut mieux rendement. prendre un tir à 3 points, entre guillemets, à peine contesté ou non contesté, qu'à mi-distance, quoi. Parce qu'il y en a un, bah, c'est 2 points, là c'est 3 points. Donc forcément, tu vois, ça vaut plus le coup de tenter le 3 points à 20 cm. Donc, C'est effectivement l'évolution du jeu qui fait que, et les datas qui font de que toute façon, c'est comme ça. le jeu est C'est quand plus tu regardes poussé vers l'extérieur. un peu là où désormais les tirs sont pris, c'est soit vraiment sous le cercle en pénétration, soit en périphérie pour le 3 points, quoi. Le mid-range revient un peu, revient un petit peu. C'est vrai que le mid-range revient un peu. Il avait quand même, il y a encore 3-4 ans, vraiment disparu. Là, ça revient, quoi. Ça revient un petit peu. Voilà, On a sur ce l'impression qu'on jeu un parle peu. d'un effet de mode. Oui, alors cet été, vous verrez pas mal de mid-range. Non mais c'est vrai, bah, c'est Mais à l'évolution. l'hiver, le 3 points, c'est la meilleure solution pour se mettre au chaud et Tu gagner regardes dans quelques les années matchs. 90, début 2000, tout est centralisé justement entre l'arc de cercle et la raquette, quoi. C'est vraiment Plus les vraiment. possessions qui allaient plus loin vers les 24 secondes. Là, on a des fois des contre-attaques où ça prend direct un shoot à 3 points. Donc effectivement, Oui. on est sur une évolution du Tu jeu qui cherches fait vite le que tir ouvert à trois, quoi. ça favorise le fait Ben d'en là. avoir plus. Et du coup, ben, la pace c'est pas la même, quoi. La vitesse de jeu est pas la même, le nombre de possessions sont pas les mêmes pour 48 minutes. Il y a tout qui s'accélère, quoi. Parce que les tirs sont pris beaucoup plus rapidement. Donc, c'est le jeu va plus vite. Le jeu va plus vite que. Inévitablement, ce genre de records sont faits pour tomber avec l'évolution de la NBA et de ses usages. Et on rappelle que c'était John Starks pendant un gros moment qui Ah ouais? gardait ce record à 3 points sur une On saison parle avec d'un plus mec de des années 200. 90, quoi. On Tout à parle d'un mec, fait. tu vois, il était Et vraiment. depuis Evan, depuis Julius s'est également bien placé dans ce classement sur une saison. Là, DiVincenzo fait en une saison directement tomber le record. À voir jusqu'où il va pousser, à voir si derrière, plus tard, dans quelques saisons, il finira par tomber ce record, parce qu'il faut quand même en prendre un sacré volume. Voilà. Bon, en tout cas, on ouvrait aussi cette émission avec le record de Dante DiVincenzo et un autre record qui n'était pas très loin de tomber. Eh oui, et c'est pas que grâce aux 3 points, il y a une panoplie dans son jeu qui est bien plus large. C'est le record de Carmelo Anthony, les 62 points Ouais. scoring all-time sur un match par un Knickerbocker. Et ben là, Jalen Brunson face au San Antonio Spurs dans un match très particulier, on aura l'occasion de revenir dessus, a affolé les compteurs et s'est arrêté à 61 points. Bon, il n'y avait que 6 petits lancers francs, je sais pas s'il y avait eu quelques lancers francs de plus, s'il y avait eu un meilleur pourcentage sur Jeremy Brunson, alors on aurait peut-être fait tomber ce record, et il serait aujourd'hui en possession de Jalen Brunson. Mais voilà, un match comme ça, un match à 61 points, certes avec une prolongation, mais ceci dit, c'est pas en prolongation qu'il les a le plus inscrits, c'est quand même une sacrée marque. Alors oui, on nuancera aussi, on se rappellera que Carmelo Anthony, sur sa marque historique de 62 points, un match que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne. Il y a un épisode spécial de We Got Game sur la chaîne KNFTV. Eh bien, il s'était arrêté en courant du quatrième quart-temps, benché après par Mike Woodson face aux Charlotte Bobcats. Hein, la marque Avec historique le. de 60 de Bernard King était tombée, donc voilà, il n'a pas Et poussé le le. record plus loin. Jusqu'où Il aurait pu avait. Il aller? avait détruit le Carmelo Anthony Stopper. Je crois que c'était Michael Kidd-Gilchrist. Je crois que c'était lui le. C'était pas Oui, lui le. il y a le même qui tourne où on voit effectivement les stats de Je l'un crois et que de c'est. l'autre sur le même match. Je crois que c'était lui qui Ouais, avait. Et puis c'était là, lui. il y avait eu des éclats comme quoi. Ouais, c'était le Carmelo Anthony Stopper, quoi. Bon, bah, ça c'est vu. Voilà, des Bon, fois, il après faut les bien Bobcats éviter de de cette parler. époque. Après les Bobcats, Ouais. ça. Ouais, ils prenaient souvent des C'était danses. Hein. une autre époque aussi, et puis un match qui n'était pas forcément que porté sur le 3 points. À savoir aujourd'hui dans la NBA actuelle avec Carmelo Anthony à son prime, mais genre est-ce qu'il était à son prime à New York, ça c'est encore une autre question, mais jusqu'où il aurait pu aller, jusqu'où aurait pu il aller si le match avait été un peu plus loin, s'il avait été sur le terrain encore quelques minutes, Dieu seul sait, Dieu seul sait. En tout cas, félicitations à Dante, félicitations à McBride, félicitations à JB. Cette semaine, enfin la semaine passée, ils nous ont régalé en termes de points. Bon, pas forcément tout le temps en termes de victoire. Bon, et puis pour les félicitations, pas de joueur de la semaine pour Jalen Brunson. On aurait pu espérer, mais le bilan collectif n'était pas bon. Par contre, un joueur du mois sur le mois de mars, et en bonne compagnie, puisqu'on le retrouve associé à Luka Doncic. C'est marrant de retrouver la paire Ouais. de backcourt de Dallas d'il y a quelques saisons, se Et, retrouver avec joueur du il mois paraît que en Mark mars. Cuban a retweeté. J'avoue, j'ai pas suivi son compte, mais Non, non, non, effectivement, mais le trio des Mavs c'était pour le troll, évidemment. devait aimer ça. En tout cas, joueur du mois, 28, plus de 28 points de moyenne, presque 3 rebonds et 5,8 passes. C'est quand même une sacrée performance qui permet, en mois de mars, en tout cas, de porter les Knicks sur ses épaules, sur une place de 3, 4, 5 dans cette conférence Est, en l'absence de beaucoup de joueurs majeurs, de l'effectif. Un titre de joueur du mois tout simplement mérité. C'est le deuxième en carrière pour Brunson. Il l'avait déjà été la saison dernière. J'avoue, je ne sais plus sur quel mois. Mais voilà, c'est une certaine forme de reconnaissance. Même si, on aimerait des fois avoir un traitement de faveur à d'autres endroits. On va y venir. Mais une autre également, un autre award qui est possible. On parlait de All-NBA Team la semaine dernière. Certains chantent des MVP, MVP à tour de match, mais non, c'est finaliste pour le Teammate of the Year qu'on va retrouver Jalen Brunson. Alors bon, la récompense est à apprécier différemment. Il est en compagnie d'autres bons joueurs de la ligue, à voir si il arrive à se glisser et à récolter ce trophée-là. Mais voilà, c'est une belle saison, mine de rien, pour Jalen Brunson et qui commence à être de plus en plus, on va dire, récompensé par la ligue au sens large. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Beaucoup de choses nous ont fait grincer des dents, nous ont fait crier, nous ont fait rendre frustrés la semaine dernière. Les défaites, oui, mais les défaites avec la manière ou pas. Il y a eu des défaites avec des matchs courts, enfin des scores où ça se joue à rien, des prolongations, des actions clutch en fin de match où ça tombe pas dans le bon sens. Bref, c'est surtout l'arbitrage qui a fait beaucoup parler. L'arbitrage dans le match Deux face aux matchs Spurs. consécutifs, hein. Deux matchs consécutifs où. L'arbitrage face à OKC. Après, contre le match sur Miami, il y a toujours des choses à dire. Après, c'est toujours une question d'équilibre ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait forcément matière à critiquer, pinailler, discuter sur l'arbitrage. Quand on voit un Victor Wembanyama, certes talentueux, certes un joueur à protéger compte tenu de son physique, qui hérite de 12 lancers francs sur un match, autant que l'équipe des Knicks. Un Jalen Brunson qui a un jeu, comment dire, qui va chercher le Plus, contact, bah, certes. plus à risque, oui, parce qu'il joue plus à, Plus à risque, certes, il joue plus à mais l'intérieur, quoi. il tombe un paquet de fois par match, il prend pas mal de charges aussi. Si lancer franc dans ce match face aux Spurs, on se demande ce qu'il faut en fait pour que Jalen Brunson ait un traitement à peu près équitable, en tout cas au niveau standing dans lequel il évolue dans cette ligue. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un problème d'arbitrage avec les Knicks? Est-ce que les Knicks sont trop physiques et donc sont moins bien sifflés, héritent de moins de fautes que les autres équipes? Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus, Seb? Bah écoute, j'ai regardé, Jalen Brunson est le 11e joueur de la NBA à aller sur la ligne. Sur la ligne des lancers francs. Voilà, actuellement, donc, il en a pris 430 des lancers francs. Donc pour 70 matchs, j'ai calculé, hein, ça fait environ 7 lancers francs par match. Les Beaucoup, leaders on regarde son jeu. des lancers francs, tu as Giannis Antetokounmpo qui en a eu jusqu'à présent 766. Alors, Allez, presque lui un aussi, double. il a quand même, donc lui aussi, il a quand même un jeu qui, tu vois, qui va dans la raquette, qui va au contact dans la raquette. Un Shai Gilgeous à 610 et un Luka Doncic à 581. Donc, on a quand même des joueurs qui, là encore, on a des mecs qui vont jouer quand même plus souvent à Proche du panier, l'intérieur, quoi. proche du panier. Et donc, bon, bah, Jalen, lui, il en a 430, comme je te dis. Après, il est pas le. Il fait partie, voilà, du, entre guillemets, du gratin. Hein, dans les 10 premiers, donc après, tu as DeMar DeRozan, Paolo Banchero, Jason Tatum, Anthony Davis, Lillard, Edwards, Zion Williamson et Jalen Brunson. Donc, ouais, donc il en prend 7 par match. Quand on voit, en fait, la physionomie, c'est surtout des matchs, des derniers matchs. Déjà, si tu veux, on a ce match contre les Spurs où, bon, évidemment, il n'en a peut-être pas assez. Et aussi, derrière, il y a ces fautes un peu cheloues. Cette faute sur l'entre-deux, quoi. Faute de Ouais. Mitchell ou Ah. ça. Ou ça, il récupère le ballon. Alors là, le mec, il siffle faute là-dessus. Alors que tu récupères le ballon, t'es à moins 2, t'as un GB en feu. Et tu peux donc bah, potentiellement. Tu peux potentiellement égaliser, voire passer devant à 30 secondes de la fin. Bon, bah ok, d'accord. Là, les arbitres sifflent, c'est quand même étonnant. Et puis, tu as ce match contre OKC où. Alors, est-ce qu'on marque trop tôt? À voir, je sais pas. Après, le match contre OKC se joue pas uniquement sur Pas les que lancers sur francs. ça, Hein. non. C'est vrai que, voilà, donc tu marques. Il y a ce contact de, pour moi, hein, de Lugenzort qui se passe dans la partie basse du corps. Les arbitres disent qu'il n'y a pas faute. Bon. Moi, je suis pas arbitre, donc eux, ils disent qu'il n'y a pas faute. Ils ont regardé, ils disent qu'il n'y a pas faute. Bon. Moi, j'avais l'impression, comme beaucoup de gens, en fait, que ben, Dort lui rentre dedans quand même en l'air. Hein. Il y a le contact au niveau du bassin. Il marque, mais les arbitres ne sifflent pas. Donc, on a un point d'avance. Et puis, bon, ben, Shai, après, là, c'est Shai, quoi. C'est pour ça qu'il est dans la course au MVP. C'est pour ça qu'il est leader, peut-être même, de la course au MVP. Donc, ben, il marque ce 2 points. Mais bon, si tu as, si tu, c'est pas la même. Hein, si tu es à plus 2 ou à plus 1. C'est pas la même de la façon dont eux vont approcher cette dernière possession, tu vois. Peut-être qu'ils vont chercher la gagne sur un 3 un peu casse-croûte. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Il y a tout qui change. Donc c'est vrai que là-dessus, un peu spécial. Voilà, il n'est pas sifflé. Est-ce que. Alors là, ton petit Bodo monte un peu plus au créneau. Oui, ces derniers En temps, on disant. l'entend plus parler arbitrage. Il s'est pas pris Voilà. d'amende, mais il met la pression sur En les arbitres disant. et à Voilà. juste titre. Après, comme je dis, le match d'OKC, il était prenable et on le perd. On le perd quand on revient à égalité avec justement ce 3 points de JB où derrière, on a, je crois qu'on a 2 possessions où on arrive à faire deux interceptions. Cette Et interpellation. on a donc ces contre-attaques très Ouais. malmenées par Josh Hart avec une espèce d'alley-oop casquette, pareil, à dompter. Enfin, on calme pas le jeu, on pose pas le jeu, on part à l'aventure. Et puis derrière, il nous marque 3 points, et puis on n'arrive pas à recombler, quoi. Parce que bah, déjà, on est arrivé à revenir, et malgré tout. Enfin. Donc ce match, on le perd aussi parce que bah, on est à 67% Oui. au lancer franc. On C'est est à ça, sans 67%. parler. On parle des fautes, mais parfois les fautes, Il ça faut se les traduit par des mettre. lancers francs, et il y a des lancers francs Il qui ne faut les sont pas mettre. mis. Malheureusement, ça coûte le Donc. match. Alors, Ça coûte un OKC match. a pas fait un bon match au lancer franc non plus. Non? Ils ont été relativement Et maladroits, ils ont donc. été moins bien sifflés. Ils ont été moins sifflés que nous. Ils ont été moins sifflés que nous. Mais Après, c'est sur voilà. cette fin de match, ces actions qui coûtent cher, et on se dit, ah, effectivement, si ça siffle différemment. Il y a deux. Et rappelle-toi, tu vois, même si certains disent, oh, ça n'a rien à voir. On a eu à notre encontre des coups de sifflet chelous en fin de match. Le La match face à faute de Jalen Houston. Brunson sur Houston, sur Aaron Holiday. Où était la faute et pourtant elle a été sifflée. Les arbitres ont Et reconnu, après, derrière, les, après, dans leur et après, derrière, les two-minute arbitres ont report, qu'il fait. n'y avait pas faute, quoi. Oh, pardon. Voilà, on s'en Bon, fout en ceci fait des pardons. dit, dans le match qui a suivi ou peu de temps après face à Détroit, il y avait limite Oui. un contact qui n'avait pas été sifflé, donc on sentait une sorte de forme de compensation. Sur Involontaire, sûrement, mais. Non, mais tout ça pour dire que bon, en effet, c'est pas homogène. Peut-être que Jalen Brunson n'a pas autant de coups de sifflet qu'il devrait avoir. Quand tu vois que des mecs comme lui, c'est-à-dire des Damian Lillard, des Luka Doncic et des Shai Gilgeous-Alexander, Shai, il a quasiment, il a 105, 160, 170. Tu vois, il a eu 170 à quasiment lancé de plus que lui, quoi, C'est sur pareil, l'année. hein. C'est pareil. C'est C'est pareil. énorme. Mais quand tu fais le Après, ratio. on n'est pas sur des joueurs qui ont le même physique. Et Brunson, il a un physique de petit trapu. Et il Ouais, va mais chercher bon. ses contacts. Il va au contact. Il sait jouer justement dans ces situations difficiles. Mais il n'obtient pas ces fameux N1, ces fameux coups de sifflet qui, normalement, voilà. C'est C'est vrai, compliqué. C'est il compliqué. a lancé, il a un lancé et demi de plus que, il a eu un lancé et demi de plus que lui sur l'année. Après voilà, les volumes sont pas non plus énormes, hein, enfin entre guillemets, hein, mais bon, moi je pense que quand même, au vu du jeu de Jalen Brunson, il triche pas un peu, c'est pas un mec qui triche quoi. C'est pas Non. un mec qui, c'est pas, tu sais, c'est pas Il un type râle qui a sur le les arbitres qui ne lui sifflent pas ses fautes. Enfin, c'est les fautes qu'il estime devoir mériter. Mais il va Non, souvent au pas quand contact, il même. va souvent au sol, il prend quand même les tampons, Mais il est malmené par les défenses et il s'en sort très bien. La preuve en est ses 61 points face aux Spurs ou ses autres matchs à plus de 40 points. C'est vraiment un gros scoreur et ça, on s'en est vite rendu compte. Il a un bon footwork. Mais voilà, il y a moi, peut-être je des points pense qu'il laissés n'est en pas route. respecté comme il n'est pas respecté comme les autres All-Stars ou comme les autres franchise players. C'est ce que j'avais tweeté aussi. Pour moi, son étoile d'All-Star lui a pas filé plus de légitimité, entre guillemets, hein, j'ai l'impression, au vu des arbitres. Peut-être que Je les suis arbitres se disent, ah, persuadé. il va aller au contact et il va aller chercher une faute, quoi. Je suis. Ouais, mais alors, la faute, elle est là, quoi. Il va pas. Enfin, je veux dire, il va au contact. Il Il nous fait pas va. un Il monte au. triangle, il nous fait pas un James Harden d'il y a quelques années. Il monte au panier. Ouais. Oui, c'est exactement. C'est pas la même que quand Harden faisait son fake pump à 3. Et que derrière, le mec sautait et que là, il lui sautait dessus pour tirer. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, moi, je suis persuadé que contre OKC, le rôle est inversé. Shai a le lancé. Bah, J'en suis vu le intime. contact, Je vu suis comment il tombe, vu l'action, on va dire qui est physique. intimement persuadé. C'est J'en suis difficile intimement persuadé. de pas Pour siffler. moi, tu inverses les rôles. Tu mets dans cette dernière possession Shai Gilgeous-Alexander en pénétration. Rentrer dedans par Lou Gensdorf, je suis persuadé qu'il en lance ses frères. Et Ouais, c'est tout, c'est Brunson tout est n'a dans pas. la définition de qu'est-ce qu'un N1. Effectivement, il marque. Effectivement, c'est que s'il marque, son shoot n'a pas été Alors ça veut perturbé rien dire. Si par ça se la trouve, il l'aurait faute. raté. Si ça se trouve, il l'aurait raté. Si ça se Ah trouve, il l'aurait oui. Ça se trouve, il aurait raté. loupé son lancer franc. Mais comme la possession précédente, Hartenstein récupère le rebond. Enfin, il y a tellement de scénarios. Mais ce On ne lancer franc saura pas. aurait On ne dû être saura pas. donné. Enfin, moi, ce lancer franc aurait dû être donné. Et donc, De après, le problème, c'est que quoi. bah, De quoi regretter, hein, ouais. tu as deux matchs coup sur coup où ben, tu souffres, quoi. Tu fais, putain, encore les arbitres. Ok, d'accord, on sait, ils ont quand même un énorme poids dans le destin d'un match, quoi. Mais il y a des. Entre les coups de sifflet contre les Spurs et notamment bah, ce dernier sur Mitchell Robinson où tout le monde est là en mode what the fuck et derrière t'enchaînes avec celui-là avec ce scénario improbable où tu mènes de 3 secondes 4 à la fin et t'as cette faute qui est pas sifflée, t'as deux matchs coup sur coup comme ça, tu fais bon ben bah, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est d'autant plus rageant, c'est que t'as cette équipe qui est accrocheuse, qui lâche rien, qui est amputée de voilà de deux des meilleurs joueurs de sa team. On ne sait pas quand ils vont revenir, c'est hyper flou. D'autres joueurs Et qui jouent pourtant, beaucoup de minutes ouais, et et ils pourtant font des matchs, ils se livrent et ouais. ils jouent les yeux dans les yeux avec de grosses teams. Ils lâchent rien, tu vois. Ils en ont pris des matchs, ils en ont perdu. Mais et cette équipe est hyper attachante. Et donc là, ils perdent des matchs un peu de façon cruelle dans un money time du championnat où ben là chaque victoire compte. Et tu te dis, bon, ben voilà, on est maintenant à une victoire, deux victoires de la troisième place, mais on est aussi à deux, trois défaites de la septième. Tout va, il reste 2 semaines et tout peut aller très vite, Ouais. quoi. Et voilà, et donc si tu veux, c'est fatigant. Cette fin de saison est usante à tous les niveaux. C'est-à-dire Pour tout que le monde, ben, même nos ben fans. tu as ben ouais, pour les fans, quoi, pour les fans, pour les joueurs. C'est-à-dire que ben, tu as ces scénarios rocambolesques de match. Tu as ces retours, non-retours, on ne sait pas qui, quand, quoi, pourquoi, contact, pas contact, il va revenir, il reviendra pas, opération ou pas. On file 150 ou 160 millions à OG ou qu'est-ce qu'on. Et puis voilà, et puis mais en attendant, tu as une bande de mecs de 8 types qui, soir après soir, jouent entre 40 et 48 minutes par match et se défoncent, mais là tu sens que. Bah, On tu vois, ça tire sur fait la deux corde mois, depuis un moment. ça On fait tire deux sur mois la que corde depuis un moment. ça fait 2 mois quasiment que ça dure Alors tu ouvres justement une transition sur la problématique des blessures. Les noms, vous les connaissez. Ça va, ça vient. C'est toujours Julius Randle, c'est toujours OG Anunoby. Alors il y a des fois des déclarations comme quoi c'est un retour proche, d'autres non. Toujours pas de contact, d'entraînement avec contact pour Julius. Mitchell Robinson qui est revenu la semaine dernière. On ne l'a pas encore indiqué, mais il est revenu. Il est Foyer, reparti, il est oui. revenu. C'était celui qui devait revenir le plus tardivement, voire peut-être En même pas, dernier, en quoi. principe, on n'était pas sûr d'un retour de sa saison. Voilà, Julius Randle, normalement, c'était une absence en semaine et pas en mois. Bon, ça y est, le Ouais. nombre de mois Il devait est passé. revenir 2 semaines après Et le Josh All-Star Hart Game, hein, je crois. qui dit, bon, voilà, bah, faut quand même qu'on se prépare à jouer comme s'il n'allait pas revenir. Et s'ils reviennent, bah, ça sera un bonus. Donc effectivement, il y a des déclarations ces derniers moments, des signes qui sont pas de Et positifs, puis, favorables, qui couvrent on pas sait aussi d'optimisme désormais la suite de la saison. ce cas OG Anunoby. Donc, il a ce qui s'appelle un tennis elbow hein, dans le terme, c'est-à-dire parce que cette blessure est surtout faite en général dans le tennis. C'est ben voilà, c'est une inflammation des tendons du coude, quoi. Donc, une tendinite du coude. Alors, ça nécessite des repos, même s'il s'est fait déjà opérer, machin, mais n'empêche que là, ça nécessite du repos, des soins. Toi, je me suis renseigné quand l'info est tombée. Je suis allé voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est quoi au début le terme Tennis tendinopathie ou elbow, ouais, oui. je sais plus le terme exact. Et donc, je suis allé voir des trucs de médecins qui en parlaient, notamment la façon dont il fallait bah, se comporter. Et qu'est-ce que voilà une tendinopathie ouais. Ou épicondylite. Voilà pour le. Et donc, ça peut, si c'est mal soigné ou si en fait les douleurs persistent parce que finalement ben, la tendinite persiste, ça peut encore amener à une opération. Non, mais attends. Il va avoir des coups Compliqué les OG. d'antilane, quoi. Compliqué les OG, C'est l'homme mais qui va valoir les 3 milliards, quoi, à ce niveau-là. jusqu'à Enfin, présent, on pouvait se dire, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est c'est là. Jax de comment ça de Mortal Kombat quoi il va avoir les bras robotisés non mais c'est il est il, je sais pas en fait ce qui s'est passé est-ce qu'il Est-ce a que c'est sa une maison qui est complication bâtie liée sur à. est-ce qu'il a sa Est-ce maison que qui est c'est. bâtie sur un cimetière indien est-ce qu'il a profané une tombe est-ce qu'il a mal parlé à une sorcière est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du vaudou quand il est parti enfin, je sais Un pas quoi certain Maasai, un certain Maasai. Non mais Blague à part, Maasai, il était mais. au courant. C'est pas possible. Quand Léon lui a dit, bon allez, je te file RG et IQ contre. Alors tu l'as fait, d'accord. Il a même pas négocié. D'accord. Un petit tour de draft, allez, vas-y, un petit tour de draft. Mais Voilà. non, blague à Non mais. part, mais voilà, effectivement, jusqu'à présent, les résultats de l'équipe permettaient de pouvoir patienter un petit peu avant le retour de ces joueurs majeurs en vue des playoffs. Là, on est dans les dernières lignes droites. En termes de retrouver un rythme de compétition, ça va être compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Se dire que les joueurs vont arriver en courant de playoffs, ça ne fait pas du tout un bon signal vis-à-vis des adversaires, vis-à-vis de l'équipe. Il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi Il s'inquiéter. Josh reste Hart, en tout 7 cas, matchs. lui, Il indique qu'il bah, reste faut qu'on joue avec les joueurs qui sont là, quoi, tout bah, simplement, quoi. il reste 7 matchs. Pour l'instant, tu n'as aucun calendrier de prévu sur le retour de Julius Randle et d'OG Anunoby. Il faut quand même que ces petits plats reprennent du rythme. Alors, moi, je pense, c'est mon avis, qu'on va se qualifier directement en playoff. Je pense qu'on va arriver à faire le taf, que. Ça va être serré, mais qu'on va peut-être pas forcément rester à la place où on est, mais que Il y a ça peut quand 5-6, même mais dans le normalement. top 6. Mais Mais moi, en l'état des choses, en l'état des choses et de comment ça se passe, je suis très pessimiste après pour la suite pour la suite des playoffs notamment, parce que Forcément, ben ça va en se fait, compliquer si on n'a pas toutes les ouais forces en ben présence. punaise, c'est fou quoi. Enfin, Eh oui. mais quelque part il aurait presque mieux fallu qu'il passe à l'opération quoi en fait, Julius, parce que son c'est quoi, ça arrive 2 semaines, sa blessure contre Miami C'était tombe fin du mois de janvier. C'était le 27 janvier. deux semaines avant Le All-Star Break. le All-Star Break quoi. Ouais, c'était Et fin janvier et il a loupé le mois de février et le mois de mars. Donc ça fait 2 mois de compétition manquée, avec la trêve du All-Star Break, certes. Mais on le sait en plus, le c'était le problème de 27 Julius janvier. Randle, Donc le c'est 27 ça, c'est janvier, ce il que... se blesse. Ouais, donc c'est ce que non je mais c'est disais. juste. Ouais, donc je Je vérifiais. Donc le confirme. 27 janvier, J'ai 27 regardé le mot des médecins. février. Et donc ça fait déjà 2 mois qu'il est blessé, quoi. Et au début, Tout on à nous fait, ouais. avait dit, ouais, 6 semaines. Et la problématique, c'est qu'on le voit s'entraîner, certes, on le voit prendre des shoots, donc on se Ah dit, bon, ouais, il l'épaule, transpire, ça a l'air hein. d'aller. La difficulté avec Julius Randle, et on l'a vu la saison dernière, on l'a vu en début de saison également, c'est que pour lui, le retour à la compétition, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut retrouver son rythme, il faut retrouver ses sensations. Et en plus, là où on peut être d'autant plus inquiet, c'est que si cette blessure, son retour à la compétition traîne, c'est qu'il n'est pas prêt, il n'a pas encore eu toutes les autorisations, tous les feux verts pour pouvoir reprendre la compétition. Et cette saison, on a vu son jeu évoluer, on a vu son jeu plus près du panier, plus physique, aller au contact, jouer sur sa force physique. Donc voilà, un Julius pas avec ces aptitudes-là, il va nous faire quoi? Il va nous faire le mauvais Julius, le Julius qui prend les shoots à 3 points, le Julius qui fait plutôt de l'isolation et qui ralentit le jeu. Oui, et puis les gens vont Voilà, il encore y dire, a... oui, regarde un peu Julius en playoff tout de suite, le mec c'est une pipe, mais bon, sur les playoffs Voilà. 2021, je te dirais ok, mais sur les playoffs de l'année dernière, il est arrivé encore une fois blessé, quoi. Oui, Donc, il lui a fallu du temps avant de retrouver des sensations et elles sont pas, elles n'arrivent pas là, c'est comme ça en Thibaudot qui playoff en disait, plus, quoi. c'est Tom Thibaudot ce que j'avais lu, alors je sais pas de qui, je cherchais là le tweet. Il disait, non, mais en fait, nous on veut que justement il revienne en pleine possession de ses moyens. En rapport avec le jeu qu'il fournit. Il dit en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore de date de prévu pour le contact. Parce que nous, en fait, on veut qu'il joue comme il jouait, en fait. Et on veut pas qu'il s'invente un jeu. C'est ce que Thibaudot a dit. Donc, c'est pour ça que ça tarde. Et parce que pour l'instant, entre guillemets, ils sont pas sûrs de comment ça peut se passer vis-à-vis de son épaule avec le contact, quoi. Mais t'imagines, pour moi, il reviendra pas. Bah écoute, il y a de quoi être pessimiste parce que les playoffs, c'est un autre basket, c'est encore plus intense, le jeu ralentit, donc les contacts, il y en a plus, d'en plus. Les oppositions, elles se promettent d'être assez gratinées. Imaginons un premier tour hypothétique face au Magic. Certes, c'est une équipe jeune, mais elle joue avec une force en Magic, poste j'ai 4. pas. Plutôt Ça joue Paolo bien. Banchero, ça risque Oui. de Non, mais puis c'est solliciter surtout, c'est pas comme si on les les avait intérieurs. survolés. C'est pas comme si on les avait survolés en saison régulière. Hein. Les Magic, Alors, on n'a pas je te rappelle été que. au complet non plus, et je ne sais pas si on le sera au complet, mais... Ouais, mais bah voilà, bah, déjà d'une, mais en plus de ça, à chaque fois on a perdu contre eux, quoi. Donc, Même un premier tour, ça promet être pas... Ouais. condescendant vis-à-vis du Magic, ça sera sans moi. Hein. Et puis de Non, toute façon, pour mais... n'importe quelle équipe qu'on va prendre au premier tour, hein, avec Là où l'effectif qu'on a actuel. je citais le Magic, c'est par rapport justement des match-ups où Julius sera directement exposé. Donc, il y a de quoi être inquiet, il y a de quoi être inquiet vis-à-vis des retours. Et du coup, est-ce qu'on jouera avec un Josh Hart ou autre? Sur une série en 4, Allez, allez. Bon, sans on va OG, essayer de rester sans. Bon, positif on et... a Mitchell Robinson qui est revenu. Donc, c'est quand même déjà un bon point. C'est un début, c'est un début. Allez, on va essayer de faire vite fait cette rétrospective des matchs de la semaine dernière. Il y avait 4 matchs au programme. Bon, on s'est trompé dans les pronostics. Le match face aux Spurs a tout de suite niqué nos pronos. Hein. On va dire appeler un chat un chat. On voyait une victoire face aux Spurs. On aurait voulu une victoire face aux Spurs. Mais il s'est passé autrement ce match. Dans l'ordre chronologique des choses, victoire. Normal, face aux Pistons, au Garden. Monty Williams, qui était un petit peu rageux en sortie de ce match, qui n'a pas aimé les Ouais. démonstrations à 3 points. Et Evan puis Fournier, qu'on a trouvé l'attitude d'Evan. Ouais, beaucoup plus 32 en défense. impliqué Hein, c'est dans la marrant ça. défense. Ah, On ne ah, reconnaissait pas ce joueur. ah. Bon, allez, blague Evan, à part. faudra faire la même chose cet été. Oui, face toutes les équipes sur lesquelles tu vas Voilà, rencontrer cet été, avec l'équipe de France. voilà, au JO, ça serait cool de faire de la défense aussi. on espère une même application, une même rage, une même envie. Mais voilà, donc les Knicks sont venus assez facilement à bout des Detroit Pistons, 124 à 99. Il y avait eu un match litigieux, une fin de match, on se rappelle, avec pas mal de coups de sifflet qui avaient été contestés et contestables. Et les Knicks qui avaient peut-être volé un peu la victoire. Là, sur ce match-là, il n'y a pas eu du tout de match. Les Knicks sont tout de suite détachés au score. Et c'est un blowout, tout simplement, hein, un blowout des familles. Quentin Grimes ne jouait pas. Quentin Grimes qui vit une fin de saison compliquée. Out, à Détroit, out, et puis saison. Une saison régulière au sens large, puisqu'avec les Knicks, ça s'est plutôt pas très bien passé cette année, pour preuve, son transfert. Bon, bah voilà, hein, victoire des Knicks sur cette rencontre. Dante DiVincenzo, Caros, qui nous met 11 ou 12 paniers à 3 points, et qui finit avec poussé un point de carrière aussi, hein, poussé par à le 40 public, points. Le coéquipier... Oui, oui, oui. On sentait qu'il était à la recherche de quelque chose, 40 points sur ce match-là, meilleur marqueur. Tant mieux, tant mieux. Il nous fait une belle prestation. Et bon, en face, l'opposition, on la connaît, c'est Détroit. C'est quand même l'équipe qui affiche le plus mauvais bilan de la saison régulière. Derrière, qu'est-ce qu'on avait au programme après Détroit qui vient à la maison? Déplacement à Toronto. Voilà, retrouver RG et IQ. Bah non. Oui et non, parce qu'ils étaient sur le banc. Hein, voilà, c'était leur nouvelle équipe, mais c'est pareil. Ils ont été très bons. Tant mieux pour eux. La saison est compliquée aussi à Toronto, en phase de reconstruction. Bon, oui, voilà, OG Anunoby a eu le droit à sa petite vidéo. Precious Achiuwa aussi. Bon, OG, on ne l'a pas vu sur le terrain, on l'a juste vu en tribune. Et puis là aussi, quand on parle de blowout, on est sur un blowout de quelle taille? XXL, le score c'est combien? 145-101. 145 à 101, voilà. Le plus gros écart d'Enix sur cette saison. Belle C'était raclée. Un match où voilà, tout réussissait. Un match à où McBride a bien brillé. Ouais, presque 30 points, 29 sur cette rencontre. Ouais. Un bon Deuce qu'on avait distingué la semaine précédente dans l'épisode 83 par le Nick of the Week de KNFTV. Et ben voilà, il nous a donné raison sur ce match-là encore une fois. Voilà, on a déroulé quoi. On a déroulé et avec ces victoires consécutives, comment ne pas voyager serein? Et se déplacer au Texas. Certes, il y a Victor Wembanyama. Certes, certains prédisent que ça va être le rookie de l'année. Il y a de bonnes chances que ça hein, le soit. Sur la dernière, je t'avais dit, ah, les Spurs, bon... Faut se méfier, ça joue faut bien se méfier, des fois. Y a... Ouais, machin. C'est pas parce qu'ils ont gagné 15 matchs cette saison qu'il faut pas se méfier. Eh ben oui, il aurait fallu se méfier. Ah, mais bon, il y a Wemby en face, quoi. Donc, Et l'arbitrage qui va avec... Pardon. Effectivement, les Silvermen, dans toute leur splendeur. un mutant compliqué à défendre. Mitchell Robinson a pu un peu s'opposer quelques séquences face à l'ami Wemby, mais un début de match où les Spurs ont pris les devants, ont pris les rênes d'entrée de jeu. Première mi-temps mauvaise de la part des Knicks. On en a fait quelques-uns cette année, hein, des matchs comme ça où on démarre. Quand on démarre mal, on finit pas bien. Non. Malheureusement, c'est souvent ça. Et heureusement, ils font un peu le retour, le comeback en deuxième mi-temps. Mais voilà, distancé à la pause, c'était pas normal de voir cet écart. Les Knicks sont revenus. Les Spurs ont peut-être bafouillé leur basket par moment. Et le hold-up à Fort Alamo ne s'est pas fait, quoi, tout simplement. Alors que les Knicks avaient le ballon de la gagne. Hein. Faut le rappeler, à la fin du temps réglementaire, c'est Miles McBride qui a un shoot à 3 points. JB est phénoménal dans le troisième carton. Voilà, c'est là où il fait une vingtaine de points sur ses 60. Il joue aussi encore un gros temps de jeu. Bon, en même temps, il fallait. Bah parce ouais, qu'il mais bon, péril dans la demeure. On avait discuté la semaine dernière. Le problème, c'est que bah oui, il a un gros temps de jeu comme beaucoup, mais parce qu'il faut rester compétitif, quoi. Tu vas pas envoyer un Dakan Jeffries sur le. Tu vois, c'est compliqué. Ouais, si t'as envie d'essayer de continuer à gagner des matchs, malheureusement, on a une équipe qui est amputée de deux de ses meilleurs joueurs. Ben ouais, t'as des gros temps de jeu, c'est normal, c'est normal. Le regret qu'on peut avoir sur cette rencontre, au-delà de l'arbitrage, au-delà de ce jump ball sifflé bizarrement, c'est aussi le fait que les Knicks n'ont pas réussi à tuer le game en fin de match, là où ils auraient dû, normalement, après leur remontada, leur bon comeback, revenir et appuyer là où ça fait mal avec les forces des Knicks. Bon, bien sûr... Au poste 5, face à Wemby, c'est difficile de s'opposer. Et avec la longueur du garçon, forcément, ça donne des rebonds, ça donne des claquettes dunk, ça donne aussi des lancers francs. Mais voilà, les Knicks n'ont pas su tuer le match lorsqu'ils ont eu leur temps fort, leur momentum, et ils se sont exposés, ils se sont mis en difficulté. Le problème, Et c'est pour que autant, il y tu. a les balles de match à la fin, quoi. Il y a les balles de Ouais, match à mais la fin. le problème, c'est que tu as quand même derrière une équipe. Alors, ouais, t'as un Dante qui a 20 points. Il y a un Josh Hart qui est limite encore en triple-double avec 12 points, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Y a un peu du. Enfin, il y a un Un peu. supporting cast. C'est trop Il y a peu, en du fait. hero ball de la part de Brunson qui, ok, certes, on l'a dit et on le remercie, on le félicite pour ça, il nous fait une soirée à 61 points, mais le nombre de shoot pris est phénoménal aussi. 45, 47 shoots sur ce 47. match. 47. 25 sur 47. Voilà, il y a une JB dépendance. Après, les Spurs n'avaient pas de solution pour le freiner. Donc on a joué sur les forces, c'est Ouais, mais certain. tu vois, du côté des Spurs, t'as un Wemby à 40 points, un Vassell à 23, Plus équilibré, ouais. un Johnson à 17 points, tu as deux mecs à 12 et 13 points. Et nous, on a Jalen Brunson à 61 points, on a DiVincenzo à 20, Hart à 12, et voilà, après on a personne d'autre qui dépasse les 10, quoi. Là où sur les précédents matchs on a un Miles McBride qui est bon, bah sur ce match-là il n'est pas reconnaissable, Ah oui, il score bah. pas. Alors oui, c'est pas la faute de Miles McBride, mais effectivement, quelques Et points, un peu de encore, scoring, un peu de réussite. ça affiche, alors ok, le 1 sur 4, 3 sur 9, mais c'est pas horrible, tu vois. Il Non, vole non, non, 4 matchs, croque pas, croque pas. il vole 4 ballons, il fait 3 passes. Enfin, tu vois, il fait pas. Et d'ailleurs, au plus-minus, c'est celui qui a le. Tu vois, il est à moins 5, tu vois, c'est pas le pire, quoi. Mais. Non, non, non. Non, mais on a senti aussi, il s'est fait contrer, on a senti aussi la dissuasion d'attaquer une raquette avec Wembanyama, ça c'est Ça, certain. on l'a vu et revu cette saison. C'est certain, c'est un épouvantail dans la raquette. Et pour autant, Brunson n'a pas eu souci à le défier à 3 points. Bon, voilà. Bah, c'est un match frustrant Ouais. au regard de cette fin de Ouais, match, de cet non, arbitrage, dommage. de ce record. Ouais. Brunson qui fait son record en carrière, c'est certain. Il était pas loin d'égaler, de dépasser Carmelo Anthony, mais dans une défaite. Bon, il n'a pas eu le ballon Ah, du match. ça me rappelle le match de ça me rappelle le match de Julius aussi où il va Ouais, chercher son 57 record mais sur une points face aux défaite. Wolves. Ouais. Ça donne un goût amer. Bon, Ouais. derrière, OKC qui vient à la maison. OKC qui est une des meilleures équipes de la conférence Ouest. SGA était de retour de blessure. OKC, c'est une équipe jeune, c'est certain. On ne sait pas ce que ça fera en playoff parce qu'il n'y a pas d'expérience comme d'autres équipes. Mais en Et tout cas, cette saison alors, régulière, ils ont ils ont montré de un... très belles choses Oh et ils là montrent là. aussi un collectif relativement fort. Un Josh Giddey qui refait encore un triple-double face aux Un Knicks. Jalen Un Williams, mais Jalen qu'est-ce qu'il est Williams fort, lui! qui a une Oh. panoplie complète et une Qu'est-ce adresse qu'il sur ce est match. propre, qu'est-ce qu'il est fort! Lui, là, Voilà, un ce all-grain. gamin-là, il est incroyable, hein. Je sais pas, il a Après, été drafté en quelle position, lui? faudra Jalen regarder, faudra regarder. Williams. Mais est-ce que Il, mais OKC moi, il arrivera à m'avait pa garder tout le épaté, monde? hein. C'est vrai qu'après, derrière, voilà, entre guillemets, on découvre plus ou moins des mecs parce qu'on regarde pas, on suit pas. Ok, si, enfin, je regarde pas tous leurs matchs, Non, je mais les déjà vois la quand saison ils. dernière, il avait posé des difficultés aux Knicks. Je les vois quand ils Voilà. viennent de jouer. Il a été drafté en 12e place en 2022. La draft de Style, hein, Paolo Banchero. c'est pas forcément le rookie, le joueur Bah qu'on. ouais, Bah, il a une 12e, saison, enfin tu il est vois. sophomore en fait. Ouais, sophomore. Ousmane Dieng, Johnny Davis, Dyson Daniels, Shedon Sharpe ont été draftés devant lui, quoi. C'est un pari, la draft est un pari. Mais voilà, en tout cas, Les lui, Knicks il nous a étaient fait à très mal. une place près de le drafter, hein, parce que on draft Ousmane Dieng En entre trade. guillemets, ouais, tu vois, et on était à une place près d'avoir Jalen Williams. Ça joue à pas grand chose. Bref, bon, en tout cas, ce match, on l'a dit, pareil, les OKC qui étaient enfin, en devant. Il y a eu un bras de fer pendant tout le match. Malheureusement, en fin de match, ça s'est pas tourné de la bonne Oh, façon. on en a Les Knicks parlé, n'étaient ouais. pas loin d'aller arracher la victoire. La dernière défense, cette dernière séquence sur SGA, bon, voilà, il y a encore un shoot après pour Jalen Brunson, mais qui prend un shoot compliqué. Et Et voilà, il n'y a Guidi, plus la il aime bien lui lucidité, il n'y a plus venir le jouer au jus. Madison Square Garden, lui aussi. Hein. Ouais, encore sur son À triple chaque fois double, qu'il trois vient triples jouer, d'affilée. à chaque fois qu'il vient jouer à New York, il se fait Et il a plaisir, hein, le posé, petit. il était défendu par Dante, et Dante n'était pas très à l'aise face à lui. Hein. Il y a une mobilité dans le garçon, une panoplie dans le jeu, à la création, même quelques Dante a du Eurosteps et cœur, mais autres. c'est pas le meilleur des défenseurs. Il a du cœur, hein, il se la donne, hein. Mais après, d'ailleurs, c'est pas la défense d'un Jean Charles, par exemple, quoi. Mais bon, après, tu peux pas lui reprocher. Tu vois, moi, personnellement, je peux rien reprocher à cette équipe. Enfin, à cette équipe-là, comme je t'ai dit, de 8, 8, 9 gars, là, je peux rien leur reprocher, quoi. Concrètement, je peux rien leur reprocher. Ils font ce qu'ils peuvent, Non, soir après soir, ils donnent tout sur le terrain, ils mettent leur cœur. leur âme, ils mettent tout sur le terrain. Alors ouais, des On fois, peut bah, évidemment, reprocher à nos ça blessés va de ne pas être là, prêcher. mais... Tu vois, la domptée, bah, voilà, c'est 4 sur 16 à 3 points. Bon, ok, voilà. C'est désastreux au niveau de, au niveau du volume et de la réussite au tir. Mais qu'est-ce que tu veux, le mec qui joue 40 minutes? C'est normalement, il n'est pas calibré pour ça. Ça fait depuis un mois et demi qu'on lui demande de jouer comme un lieutenant d'une équipe qui va au titre. Pas évident, quoi. Facile. C'est pas un titre. Normalement, Dante, c'est ce qu'il faisait en début de saison. C'est un C'est mec un à role 25 player. minutes par match. C'est un C'est mec un à role 25 player minutes qui par est match même pas qui, voilà. forcément titulaire. Mais Qui est non, qu'il n'est pas plutôt forcément titulaire. remplaçant. C'est un dynamiteur de banc. Et c'est un peu comme Josh Hart, c'est un type qui amène de la dureté défensive. Peut-être, voilà, des fois, quelques 3 points quand il est en veine. Mais c'est pas des. On a une équipe, ouais, de col bleu. Il manque du talent, mais le talent, ben, est blessé. Le talent, on ne sait pas quand il va revenir. Mais après, tu vois, c'est comme McBride. Il émerge, là, c'est magnifique. Maintenant, il est dans le 5. Mais ce type-là, il faut rappeler d'où il vient. Bon, après la draft, ça ne veut rien dire. Mais après, il faut Non, rappeler quand même d'où il mais vient. Dans il a pris du temps avant de trouver des minutes La de jeu. hiérarchie Il des était encore en jeunes, G League il y a 2 saisons, quoi. ben, clairement, c'était le dernier. Hein. C'était RG, IQ, Grimes, et il y avait lui. Hein. C'était le dernier. Hein. C'était le quatrième mousquetaire. Donc, et donc là, maintenant, c'est devenu le Highlander, hein, comme j'aime bien le dire. C'est le survivant. Il Et reste il. Jericho Sims. Pardon. Même si avec son changement de coiffure, des fois, on n'arrive plus à se Ah, ben, rappeler qu'il est il Sims. s'est dit, bah, tiens, si je me tresse, Pas de tresse, moi. peut-être que ça va me faire un style, et le style fait le jeu. Bon, c'est pas le cas. Non. Mais voilà, mais Juice, c'est pareil. Juice, là, c'est l'énorme surprise. Hein. C'est une June Sanity, c'est magnifique. Mais cette équipe-là est faite. Hartenstein, il faut se rappeler que c'était la doublure de Mitchell Robinson en début de saison. On a JB, et après, on a que des doublures, en fait, avec lui. Et déjà, c'est quand même beau ce qu'ils font. Moi, je peux rien leur dire à ces types-là. Cette équipe va rester vraiment comme une équipe Attachante, ouais. dans le cœur des fans qui va rester longtemps. Peu importe le résultat, parce que elle aura jamais abandonné. Et on peut rien leur dire, quoi. Moi, je peux rien leur dire à ces Ah, types-là. tu prépares le terrain pour le match suivant. Et le match suivant, c'était quoi? C'était Miami. Donc, certes, OKC, on ne devrait pas les retrouver en playoff, à moins de jouer les finales NBA. Limite, on ne serait pas contre. Ça Mais voudrait dire Miami, alors que tout le monde revient en Miami. forme comme jamais. On va raison garder pour l'instant. Mais en tout cas, Miami, c'est un adversaire potentiel. C'était un adversaire la saison dernière en playoff. Et on les a retrouvés. On les avait battus déjà 2 fois cette saison en régulière. Un match de in-season tournament Bah, où dans ça le s'était joué à pas dernier, merci grand-chose. quoi. Merci, Dernier, Ramsey grosse Junior. victoire. Mais grosse blessure aussi. C'était le 27 janvier dernier. Là, c'était déplacement à Miami. Il faisait tout de suite un petit peu plus chaud. Les Knicks avaient besoin de rebondir, ils avaient besoin d'une victoire. Bon, bah, c'était un match contre Miami, un match accroché, serré, physique. Il y a eu Miami qui a pris les devants assez vite à la fin du premier quart-temps et dans le deuxième quart-temps. 10, 12, 14 points d'avance. Mais les Knicks qui, comme on le sait, toujours gros cardio, gros cœur, grosse envie, une équipe qui lâche rien, qui revient dans le match, qui revient jusqu'à égaliser au milieu du quatrième quart-temps. Ouais. Et voilà, après, Sur un manque de jeu, 3, manque et de après, réalisation, de ouais. réaliste, On s'y fait un peu là encore, mais bon, c'est pas encore là que ça joue, en effet. C'est pas là où c'est le plus C'est choquant. pas là que C'est ça pas dans joue. les matchs qu'on Mais a vus voilà, le après, plus. derrière. Après, par contre, je rêve d'un jour où Bam Adebayo sera enfin sanctionné pour ses écrans en mouvement. Voilà, je sais pas si ça sera fait, si un jour ça sera fait. Mais ça sera sympa, voilà, qu'un jour, ben, les arbitres regardent vraiment ces Non, mais en putains fait, d'écrans en mouvement, quoi. Il est je jamais pense sanctionné. il a un Putain, dossier sur merde. tous les arbitres de cette ligue et C'est voilà, ils ne lui fou, souffrent pas ce quoi. genre de faute. Même l'année dernière en Là, playoff, quoi, les écrans en mouvement, là, sur Grimes, il lui fait limite mal. Enfin, il fait que ça, le type. Il est jamais sifflé. Il est jamais sifflé. c'est Dante qui a pris sur ce match. Et sur ce match, bah voilà, c'est peut-être aussi peut-être une répétition, un avant-goût de ce qui pourrait se passer en playoff. Alors ça ne veut pas dire que les Knicks vont tomber sur le Heat. Le Heat connaît bien les Knicks parce qu'il y a eu saison, il y a eu série de playoffs la saison dernière. Et là, bah, on s'est retrouvé un peu avec, comme on l'a dit, Jalen Brunson en one-man Ah ouais, show mais eux qui sont au essaye de complet, porter quoi. l'équipe. Les role-players qui sont aux côtés, qui jouent beaucoup et qui apportent leur contribution, certes. Mais on a eu un Jalen Brunson très bien défendu et un Jalen Brunson pas du tout en réussite au shoot. Heureusement qu'il y a quelques lancers sur ce match-là. Encore heureux, ça lui fait un peu sa ligne de stats. Mais un match très compliqué en matière d'adresse, pas la réussite 5 sur attendue. 18, 1 sur... Là, tu regardes, hein, 1 sur 6 pour Brunson à 3 points, 6 sur 15 pour DiVincenzo à 3. Après, tu as Alors, on va McBride essayer qui, encore une fois, est propre. Hein. McBride à 9 sur de... 16, 4 sur 8 à 3, il est à 50%, hein, c'est beau. Hein. 24 points, il fait ce qu'il a à faire. Hartenstein préféré avec Hachua, notamment en fin de match. Et tu vois, un match un peu compliqué pour lui avec 4 petits points, un rebond, tu vois, bon, match, tu sentais que c'était un peu plus compliqué pour lui. Boyan qui fait un Voilà. bon match sur ce Boyan, match-là. On ouais. parle pas trop du 19 banc minutes, parce qu'il 16 points. Ouais. est irrégulier le banc et c'est peut-être ça aussi qui pêche un peu. On parle des Et un role-players, on Bucks, parle de joueurs qui jouent et beaucoup, mais. Burks, il a perdu Qui complètement ça? les faveurs de De qui Alec on Burks. parle là? Et il a perdu les faveurs de notre de Tom Thibodeau. Hein. 3 minutes. Je vois pas de qui on parle. Je connais pas ce Ouais, non, joueur. mais tu vois. Mais qui t'a pas fait jouer Burks? Envoie un Shake Milton. Tente un Oui. Shake Milton. Allez, Tu un petit chèque. n'as plus confiance en Burks. Tente un Shake Milton, je sais pas. Enfin. Je sais que c'est mettre un sparadrap sur une jambe de bois, mais il est là, il a été récupéré. C'est pas un mauvais gars, c'est pas un mauvais joueur. Il peut te, il, quand tu, Sur un quand tu, malentendu, il peut nous faire une deuce. ben oui, non mais Après, carrément. Non mais c'est attends, pas le même profil non mais et ouais. attends, il y a un an de ça, même pas, en début de saison, voire même en janvier, on te dit Deuce McBride, limite Oh. sur le mois de mars, il te tourne à 20 points, à 50% à 3, Non. ultra décisif, machin. T'y crois? Non. Et Non, non. non, compte tenu en plus de Donc l'équipe de la alors rotation. Non. un Shake Milton, pourquoi pas? Tu lui files les minutes et tu lui files 10-12 minutes de Burks. Tu le lances, tu essayes, tu vois, si ça se trouve, tu vois, ça sera une bonne pioche, une bonne surprise. Tente un truc, parce que là, clairement, on joue à 8, quoi. Bah, On aurait, Burks, et, il faut, il faut c'est bien un se soldat rappeler en que. péril et je pense que voilà, il finira la saison comme il finira au bout du banc. La saison prochaine, on ne le verra pas, quoi. Hein, on a tenté un coup. Alors après, est-ce qu'avec Evan Fournier, est-ce qu'avec Grimes, on aurait fait mieux? Pas sûr, Quand sûr. tu Hein, vois que Grimes Grimes est blessé et HS Evan, et voilà. Evan, bon, au moins bon, t'as deux cadavres à envoyer sur le terrain, quoi. Bon, même si ça va un tout petit peu mieux mais bon, c'est l'arbre qui cache la forêt, ce match, pour notre ami Bogda, quoi. On en a parlé la semaine dernière, tout est catastrophique. Stat brut, ça Ah, tente ça avancé, manque de tout est régularité, mais catastrophique. il s'est montré en tout cas offensif sur ce match-là. Ouais, L'efficacité n'est bon, pas tout le temps ouais. au rendez-vous. Bah, Il a c'est-à-dire que apporté un ouais, s'il peu et pouvait tant mieux. rentrer ses tirs, ça serait cool, quoi. Déjà, ça serait. Ouais. Si déjà tu arrives à trouver justement un Bogda sortant du banc avec sa allez, 15 minutes et qui arrive à amener 12-15 points 10-12 points, ouais. bah, déjà ça ferait du bien hein, au scoring d'avoir un mec comme ça, quoi. Donc, bah bon. À voir en tout cas. Bon, on reste sur trois défaites consécutives. On avait pronostiqué sur les quatre premiers matchs. Eh ben, c'est un 2-2 sur les quatre premiers matchs. Malheureusement, là, la semaine commence plutôt mal. Ceci dit, on va quand même, parce qu'on le fait à chaque fois, désigner un joueur de la semaine, un joueur de la semaine passée. On ne tient pas compte du match face à Miami. On l'oublie, on l'a pas vu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on a eu un Dante qui a sorti un record. On a eu un Deuce qui joue plutôt pas mal. Il est passé à côté sur un match. Et on a eu un JB qui nous a fait un 61 points joueur de la semaine, pardon, joueur du mois. Du coup, sans vraiment de surprise, notre joueur de la semaine, ça sera Oui, Jalen Brunson. Et bien comme on sûr, sait qu'il ne passe le patron. rarement à côté de deux matchs, à côté de deux matchs, hein, il passe à côté d'un match, mais derrière, il rebondit. Attendez-vous à une sacrée fin de semaine de la part de Jalen Brunson. Il est remonté, le garçon. Les Knicks ont glissé au classement. On n'est plus que cinquième. Il n'est pas tout le temps respecté, On a sifflé comme il faut. récupéré un blessé sur trois, c'est déjà ça. Hey, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Donc voilà, Jalen Y a Brunson, du ça mieux, sera mais on notre joueur perd. de la semaine. Je veux pas dire, mais Malheureusement, il y a depuis des que Mitchell défaites. Robinson est revenu, on perd. Donc je crois qu'il faut qu'il Est-ce que ça serait dégage. pas le chat noir? Bon voilà, c'était pour la grosse rétrospective de la semaine passée. On perd pas plus de temps. On regarde ce qui reste à jouer sur cette fin de semaine. C'est touffu, c'est gratiné, c'est comment? C'est Oh, chocolaté? je suis On va voir ça. déprimé. Je suis déprimé. Oh, déprimé. Allez, un peu de baume au cœur, ça va bien se passer. C'est parti, on lance le jingle et on regarde ce qui va arriver sur la fin de cette semaine de Pâques. De Pâques, d'après Pâques. Allez, c'est parti. Ah! Allez, je balance le prono, 3-0, fin de l'émission. Ciao les gars. Non, non, non, non, non, non, non. Qu'est-ce qui s'annonce sur le programme de cette fin de semaine? On a trop perdu, trois défaites consécutives. Il est On a temps que trop cette perdu. mauvaise série se termine et qu'on relance une bonne série. Au retour au Garden, les Sacramento Queens, les Sacramento Kings, pardon, de la À nuit chaque fois, Keon Ellis. celle-là, pas Pas à beau. chaque fois. Je sais pas. En fait, il y a des équipes qui me laissent un peu indifférentes et celle-ci, totalement. Les Moi, Knicks se j'aimais sont bien imposés l'équipe là-bas. de Weber et justement de Même Weber, pas. Divac, Stojakovic, j'aimais bien, moi. Ils auraient mérité. Même Les pas. Lakers les ont volés. Même pas. Derrière, déplacement en mode back-to-back à Chicago, parce que le calendrier est bien fait. Les Chicago Bulls qui Ah ben devraient là, ça va être normalement quoi? Playoff time consolider leur place. contre Chicago, là. Là, on joue une série en 3 contre Chicago, là. Mais entre-temps, il y a les Milwaukee Bucks qui, un temps, étaient chassés par les Knicks pour une place de Moi, deuxième c'est de les cette Bucks conférence. que j'ai jamais trop. Le Ah oui, logo, pareil aussi, le ouais. canon. Ouais. Oui, je sais pas. Bref, voilà cette fin de semaine. Deux matchs à l'extérieur, deux matchs pour finir la semaine et pour des équipes de la conférence Est. C'est pas évident. Que des équipes avec un bilan positif. Je sais même plus si Non, les les Bulls Bulls sont pas n'ont positifs. En pas. tout cas, Ah qui non. jouent quelque chose sur cette fin de saison. Voilà, est-ce que tu nous donnes la forme du moment sur ces trois Bah équipes, écoute. vite fait? Alors, donc on a des équipes qui soufflent un peu le chaud et le froid chacune. On a nos amis, donc on va commencer par les Kings. Les Kings, est-ce qu'ils sont au complet? Je vais te dire ça tout de suite, d'habitude je le prépare, mais là. Malik Monk est out, visiblement Ah pour out oui, pour la saison, donc lui pour c'est la fin de saison. terminé. Après, donc on a un Jordan Ford et un Kevin Werther out. Voilà pour l'état de leurs blessures. Et sur les derniers matchs, eh ben, écoute, ils ont tapé les Clippers. Comme Alors, voilà quoi, aussi, tu vois, une équipe qui me méfiance. laisse totalement indifférent, les Clippers, depuis tout le temps. Donc ils ont tapé les Clippers, ils ont tapé Utah. Et ils avaient eu donc sur leurs trois derniers matchs, enfin, sur leurs cinq derniers matchs, ils avaient gagné Philadelphie. Ils avaient perdu leur double confrontation face à Dallas. Et ils ont gagné Utah et les Clippers. Donc ils sont sur deux victoires d'affilée. Ils ont un bilan de 44-31. Et ils ont un Sabonis assez chaud. Voilà, Sabonis, Murray Fox, leur trio. Assez chaud. Donc voilà pour nos amis des Kings. Pour nos amis donc des Bulls, donc qu'on va rencontrer là C'est pas nos amis. souvent. Non, oui, non, c'était une façon de parler. Hein. Donc évidemment, Zach LaVine out, Patrick Williams out, Lonzo Ball out. Après, Julian Phillips, je ne sais pas qui c'est, mais il est out aussi. Donc voilà. Pense Donc à lui. nos Bulls. Donc les Chicago Bulls, donc 36-40, hein, tu vois leur bilan, 36-40. Leur forme, sur les 1, 2, 3, 4, 5, ils sont sur du 2-3. Ils ont gagné Washington, bon, qui ne gagnent pas Washington. Ils ont gagné Brooklyn, ils ont gagné Atlanta. Donc, ils ont gagné que des équipes, en effet, de plus faible Calibre et de que faible calibre, ouais, calibre avec que, Atlanta. exactement. Par contre, ils ont pris une belle rouste contre Indiana, 125-99. Et ils ont perdu, honnêtement, avec les armes, 109-101 contre Minnesota. Non, seulement qui ne perd pas contre Minnesota. Ils ont un DeRozan en forme. Voilà, bon, ils jouent avec DeRozan, Vucevic, Caruso, Drummond. Bon, ça va aller en play-in tout ça. Donc, leur prochain match, ça sera nous. Donc, on joue deux équipes qui, leur prochain match, ça sera nous. Et comme tu l'as dit, je Bien crois que nous reposé en serons tout en cas. back-to-back en plus. Eh oui. Oui, là, ils ont eu Enfin, dans 4 la nuit de jours. jeudi à vendredi, dans vendredi à samedi. Ouais. Ils ont eu 4 jours. Le dernier match était le 2 et ils rejouent le 6. Ils seront frais et ils seront chez eux en plus. Ouais, ils seront chez eux et il leur faut. Bon, est-ce qu'il leur faut. Je sais même pas s'il leur faut une Je victoire. crois que leur play-in est validé. Voilà, est-ce qu'il y Ouais, aura une ouais, sorte de ouais, load ouais. management pour ou est-ce qu'ils vont essayer de grappiller des places dans ce play-in? À voir, mais en tout Je cas, vais te dire, ouais, non, c'est ouais, play-in assuré. Ils sont à 36-40 et les Brooklyn Nets sont à 29-47. Derrière, en fait, ils ont quasiment le même bilan qu'Atlanta, à 35-40. Pour eux, je pense que c'est trop loin maintenant. Ils sont trop loin de Philadelphie qui est à 41-35. Donc, je pense que là, en fait, ils jouent la 9e ou la 10e place. Bon, ils savent qu'ils vont jouer Atlanta en play-in, quoi. Voilà. Ils savent qu'ils vont Après, jouer est-ce qu'ils Atlanta auront Bill. l'avantage du terrain? Est-ce qu'ils préfèrent jouer Exactement. Atlanta chez eux ou aller à Atlanta? Exactement. Donc, À voir. Mais il y voilà aura pour. peut-être du load management ou pas. À voir. Est-ce que ça peut jouer? Il y a quand même pas mal de Bah, matchs tu à sais, venir contre Chicago, en bon, tout cas. il nous joue trois fois. Il nous joue trois fois. Il joue Orlando. Et il joue Détroit et Washington. Donc, tu vois, pas évident pour eux, hein, les derniers matchs. Hein. Pas évident, hein, parce que Ça New va être York, dommage Orlando, de se New blesser York. sur des matchs comme ça. Donc, voilà pour les Chicago Bulls. Et les derniers, donc les Milwaukee Bucks, qui Deuxième de la sur. conférence Est aujourd'hui encore. Mais qui sont pas en excellente forme non plus. Sur les cinq derniers matchs, ils ont perdu contre OKC. Ça arrive à des gens bien. Ils ont non, ils ont gagné, pardon. Ils ont gagné au OKC, je raconte n'importe quoi. Ils ont gagné au OKC, mais ils ont perdu contre les Lakers. Ils ont perdu contre la Nouvelle-Orléans. Et ils ont perdu contre Washington. Ça, Et c'est par plus contre, ils ont. surprenant. Et par contre, ils ont gagné Atlanta. Mais ils ont perdu contre Washington. Ouais. Comme quoi, comme Et quoi. oui. Donc, ils ont un bilan 47-28. Je pense que la deuxième place pour eux est assurée derrière les Boston Boston Celtics. Celtics. Donc, ben avant nous, ils vont jouer Memphis et Toronto, donc deux équipes qui tankent. Même si je pense que Toronto, vu qu'ils ont récupéré des joueurs, bon, ça va peut-être essayer de jouer, ça peut-être grappiller, ça peut grappiller, ça serait bien. Et puis, ils vont nous jouer, nous. Voilà. Donc, et après ça, et d'ailleurs, après ça, ils vont jouer Boston. Après nous, ils jouent Boston, donc gros match. Alors, est-ce que ça va cacher un peu là, les billes et les. Tu vois, ça va load manager de part et d'autre. C'est possible que ce gros match accouche d'une souris. Hein. C'est possible. Donc. Non pas qu'ils vont chasser la première place, mais il y aura peut-être une sorte de La première répétition place avant est trop loin. playoff, Elle est trop voire loin. peut-être que Boston aussi cachera un peu ses joueurs. Et voilà. Donc, cette fin de saison, il y a un peu de poker menteur sur certaines équipes. C'est plus compliqué à pronostiquer. Allez, Ouais, donc. parce que comme je te dis, là, tu vois, Boston, donc à 59 victoires, 16 défaites. Milwaukee est en 47-28, donc ils ne les rattraperont jamais. Donc Boston sait que, en tout cas à l'Est, aura L'avantage du terrain, l'avantage tout. du terrain jusqu'à la fin. Et maintenant, en fait, ça va être de voir, mais visiblement, Boston va aussi avoir l'avantage du terrain sur l'ensemble des playoffs. Donc ils sont à 49-16, la deuxième équipe est Denver à 53-23. Compliqué pour eux d'aller les chercher. Je pense que dans pas longtemps, ça sera acté que les Celtics seront les premiers de la NBA. Donc il est possible qu'eux aussi reposent leur cadre. Et ça tombe bien parce que il y aura On peut-être devrait une les future affronter rencontre bientôt. contre nous. Exactement. Allez, pour faire court, le match que t'attends le plus sur cette fin de semaine? Kings, Bulls, Bucks? Bulls. Bulls. Bulls parce que ouais, pas Milwaukee parce que Milwaukee pour moi ça sent la lose. Ça va être les confrontations contre les Bulls. Ça va être la confrontation contre les Chicago Bulls. Il faut les prendre ces matchs à l'Est. Il faut les prendre. Ok. Donc Eh bien moi, cette semaine, c'est plutôt les Bucks que je vais attendre. d'accord. C'est une équipe qui s'est montrée assez irrégulière dans le jeu proposé, mais qui a quand même toujours un peu surfé sur sa deuxième place tout le long, quasiment tout le long de cette saison régulière. Donc à voir qui ils vont aligner sur le terrain, à voir si Brunson peut arriver à porter l'équipe pour la faire gagner face aux Bucks. Hein. Les confrontations pour l'instant face à Milwaukee, elles ne nous ont pas souri. Là, jusqu'à présent, on n'aura pas non plus toutes nos forces en présence pour les affronter. Possiblement, c'est une équipe qui peut se trouver sur la route des playoffs des Knicks sur cet été, hein, sur cette post-season. Donc à voir. Mais moi, j'ai ouais, plutôt les Bulls, oui. On va les rencontrer plusieurs fois, mais cette semaine, je vais plutôt avoir un œil sur les Bucks. Allez, l'histoire du prono. J'ai commencé les semaines précédentes. Je me suis loupé. Tu t'es loupé aussi. À ton tour de te lancer un peu sur cette fin de semaine. Allez, une, deux, trois. Pas quatre victoires. 2-1. Qu'est-ce que tu vois? 2-1. Deux victoires, Victoire. une Enfin, défaite. Les deux prochains matchs, on les prend. Allez. Cool. C'est-à-dire Faut qu'on ne gagne pas relancer là. contre les Bucks. Non. On ne gagne pas contre les Bucks, mais par contre Sacramento et les Bulls, on les prend. Allez. On Ok. les prend là. En plus, Bon, j'ai. on est en back-to-back, on sera chaud. On les prend là. Sacramento, on les joue à la maison. Voilà. Et derrière, Chicago, ça se prend. Voilà. Mitchell Robinson est revenu. Ça va amener de la stabilité, du rebond, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, écoute, j'ai commencé en fanfaronnant, en faisant un 3-0. Bah, je vais rester sur ma fanfaronnade. On a perdu 3 matchs. Il faut qu'on en gagne 3. Ça rééquilibrera un peu le Ils bilan. annoncent le retour de Julius cette semaine. Figure-toi que la saison prochaine, il va revenir. La saison prochaine, il va revenir. Pour l'épisode 100 de Avenix Week, on devrait avoir Juju. Et là, le mec, il va être traître cet été. Non, mais voilà, 3-0 pour moi. Oui, les Fin de Kings, carrière les cet Kings. été, en fait, l'épaule, c'était trop dangereux, tout ça. Fin de carrière. Bravo, merci Joanie. Mince, mince. Voilà, 3-0 pour moi sur cette semaine. Allez, vas-y, on perd pas plus de temps. Un petit coup d'œil sur le ranking. Et oui, pour le moment, les Knicks ne sont que cinquième. Bah, Attention, plus à 4-5 l'arrière, avec Orlando, attention. c'est un même bilan, mais un désavantage parce que le Magic a battu 3-1 les Knicks cette saison sur les confrontations directes. On n'est pas si loin que ça des Cavs. Mais on a un peu décroché. Et puis, il y a Indiana qui est pas très loin non plus. Eh Donc, oui. attention, Miami. On a lâché un Indiana, match. ça dit quoi Ils sont alors toujours dans le rétro. ça dit quoi leur truc? 43-33. 1, 2, 3, 4, 5. 43-33, il y a deux matchs. Il leur reste 6 matchs. Il leur reste 6 matchs à Indiana. Ils jouent les Nets, ils jouent le Thunder, ils jouent le Heat, ils jouent les Raptors, les Cavs et les Hawks. Donc Ouais. potentiellement, là, t'as les Heat, Nets Cavs, qui. Hawks. Ouais. Ouais. Les Tu Hawks qui vois, aimeraient et. bien avoir l'avantage du terrain en play-in, au moins pour le premier match. Six matchs, hein. Le Il leur reste Heat six matchs, hein. qui aimerait bien avoir une qualification directe et Et peut-être pas le Heat, passer par le play-in. leur calendrier est pas non plus. Ils jouent Philadelphie, chaque match. Ils jouent les Rockets, ils jouent Indiana. Donc tu vois, les Rockets, ils ont besoin de victoire pour aller accrocher le play-in, vu qu'ils sont coude à coude avec Golden State. Philadelphie a enregistré Philadelphie le vont. retour de Joel Embiid. Peut-être. Et puis tu as les Pacers Si, qui ça y vont est, c'est vouloir fait. aussi. Ça y est, c'est Enfin, sûr. peut-être. Oui, il a joué le match dernier. Il a joué le match dernier. Ah, Il est j'ai pas fait vraiment de gaffe. retour. Donc, Ah, donc c'est pour lui, ça aussi il est que. revenu. Il est revenu et nous, on est nos gars. Enfin bref, bon, je suis déprimé. Et donc ensuite, ouais, tu joues Hawks, Mavs et Raptors deux fois. Donc tu sais, c'est pas, il est pas non plus sympatoche hein, leur calendrier au Heat. Hein. Il n'est pas non plus sympatoche leur calendrier au Heat. Parce que moi, je préfère regarder. Là, je regarde les équipes derrière moi, clairement. Je suis pas le type genre, ah oh, non, mais on va chercher la troisième place. Non, là, je regarde les mecs derrière moi, quoi. Là, il faut que les mecs derrière moi ils chutent. Et après Orlando, c'est Pelican. Et bon, Hornets, voilà. Ils jouent les Bulls, ils jouent les Rockets, les Bucks. Ouh, Orlando. Ils jouent Pelican, Hornets, ensuite Bulls, Rockets, Bucks, Philly, Bucks. C'est Pas gratiné facile. aussi. Pas Hein? C'est facile pas tout ça simple. pour nos amis du Magic. Donc, Ouais. peut-être. Et enfin, les Cavs, puisque on va me le demander. Les Cavs, ben, c'est les Suns, c'est les Lakers, c'est les Clippers. Oh. Après, bon, voilà, les Grizzlies, voilà, c'est les Pacers. Et tu finis avec les Hornets, normalement, en Tu finis un apothéose. peu en roue Mais libre, voilà. Ouais. ils ont 6 matchs, Ça et sur promet ces 6 matchs, ils en une. ont 4 costauds, quoi. Parce Ça que promet une les bonne Suns, fin de les saison. Lakers, et les Pacers, ça va jouer quelque chose. Peut-être que les Clippers, on sera assuré, donc peut-être que ça va lever le pied. Mais en tout cas, tu as 3 matchs, tu vois. Donc au final, on a tous plus ou moins un calendrier équivalent. Compliqué. Sauf que nous, on Ouais. a des blessés. Écoute, on verra tout ça. On refera le point la semaine prochaine, lundi, pour le prochain épisode. On en verra un petit peu plus clair. Et on arrivera sur la dernière ligne droite, la dernière semaine. Et qui dit Eh oui, dernière semaine déjà, dit. c'est passé vite, hein. J'ai l'impression Qui dit que dernière cette saison. semaine dit dernière viewing party. Oui, il y aura une KNF viewing party pour le dernier match, le match face aux Chicago Bulls, le dimanche 14 avril. Voilà, ça sera l'occasion de vous retrouver à partir de 18h30 au Hideout pour le dernier match de saison régulière, la dernière KNF viewing party de saison régulière. Il y aura peut-être un peu encore de festivités pour les playoffs. Bah oui. On attendra bien sûr le calendrier des playoffs pour vous communiquer tout ça. Mais voilà, histoire de bien se mettre en jambes, de voir si on finit avec l'avantage du terrain ou pas, si on termine dans le play-in, que premier, deuxième, non, pas premier, deuxième, compliqué. Trois, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, on verra déjà tout ça la semaine prochaine, lundi prochain. D'ici là, save the date pour cette KNF Viewing Party dimanche 14. On vous attend nombreuses et nombreux pour festoyer face aux Bulls. Mais oui, nos amis des Bulls, comme tu disais, hein, n'est-ce pas? Vous reconnaîtrez On est les plus amis anciens avec tout le monde. Qui figure en fond d'écran sur ce flyer. On verra s'ils sont amis. Amis dans la vie, amis sur le terrain, peut-être un peu moins. Non, bon. Quand je dis amis, c'est parce que j'ai pas de haine vis-à-vis de n'importe qui. Sauf du 8. Sauf du 8. Voilà, ça c'est dit. Bon, bah voisin du dessous. On a fait une bonne émission, c'est mercredi, c'est pas lundi, on va reprendre nos habitudes, on va retrouver nos horaires d'enregistrement habituels, et on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et ramène-moi Julius et Oji, là, s'il te plaît, hein. Parce que là, ça commence okay. à bien faire, ces conneries, là. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que Julius, parce que Embiid, il revient, quoi. Non, mais ça, c'est... Je sais pas, bon, L'important, c'est d'être là, en finale, pour le match 7, comme Willis Reed. Et là, oui, Julius pourra avoir son maillot retiré au ah bah c'est sûr que C'est sûr que peut-être on verra le match 7. Maintenant, est-ce que les Knicks y seront? Voilà. Vous l'aurez entendu pour la première fois sur KNF TV. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous très très vite, lundi Soyez prochain sur KNF surtout. TV, 18h30. Moi, je commence et à voilà. déprimer, mais il faut pas. Soyez oh. courageux. L'écoutez courageux. Pas, l'écoutez pas. 3-0 sur cette fin de semaine, je vous l'ai dit. Allez, bonne fin de semaine à toutes et à tous et à très vite sur KNF TV. Ciao, ciao!